بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواجه الله que les éloges et le salut soient sur le messager d'Allah, sa famille et l'ensemble de ses compagnons et ceux qui les suivront dans la bienfaisance jusqu'au jour de la résurrection. Ceci dit, nous allons aborder aujourd'hui, Inch'Allah, un sujet d'une extrême importance, à savoir le sujet de la droiture, al-istiqam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, dans Surat al-Ahqaf, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne peuvent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils œuvraient. Et il a également dit, subhanahu wa ta'ala, « إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà, et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez. Un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur, d'un très miséricordieux. » Ces deux versets-là nous montrent donc la grande place et l'importance de ce principe-là qu'est la droiture, al-istiqam. Également l'imam al-Hassan al-Basri, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui faisait partie des plus éminents savants de la deuxième génération de l'islam, juste après les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans une exhortation qu'il adressa à son prochain, il a dit « Ô fils d'Adam, ne sois pas trompé par la parole de celui qui dit « L'homme est avec celui qu'il aime. » Et il a dit cela, donc entre parenthèses, alors que c'est une parole prophétique. Mais il a voulu en cela réfuter ceux qui se basent sur cette chose-là et délaissent l'œuvre. Donc il a dit « Ne sois pas trompé par la parole de celui qui dit « L'homme est avec celui qu'il aime. » Car quiconque aime un peuple suit leurs traces. Et tu ne t'alliras au bon que lorsque tu auras suivi leurs traces et que tu te seras inspiré de leur guider et que tu auras pris exemple de leur voix et que tu n'atteignes le matin et le soir qu'en étant sur cela et que, motivé à l'idée d'être parmi eux, tu empruntes leur chemin et ce même si tu es déficient. Car l'important dans l'affaire est que tu sois sur la droiture. » Donc on retrouve ici le principe de la droiture. Il a continué en disant « N'as-tu pas vu les juifs et les chrétiens et les gens des passions viles aimer leurs prophètes et ne pas être avec eux ? Cela parce qu'ils les ont contredits dans leurs paroles et actes et qu'ils ont suivi autre que leur voix. Leur abreuvoir sera donc le feu et qu'Allah nous en préserve. » À travers ces quelques textes, ces deux versets coraniques et cette parole pleine de sagesse de l'imam al-Hassan al-Basri, nous nous rendons compte donc de la grande importance que revêt le principe de la droiture et l'istiqam. Et il résulte de la droiture de l'individu son bonheur ici-bas et dans l'au-delà, ainsi que sa réussite. C'est donc pour cela qu'on va, dans cette courte série, Inch'Allah, aborder ce principe-là et aborder certaines règles de conduite à connaître et à suivre afin de pouvoir concrétiser cela et faire preuve de droiture. Et nous nous baserons essentiellement dans cela sur une conférence qui a été retranscrite en livre, dont l'auteur est le Cheikh Abdelrazzaq Al-Badr. Le Cheikh Abdelrazzaq Al-Badr, le fils du grand savant de Médine, Abdel Mohsin Al-Abbad. Et il a donc intitulé son livre Ashru Qawa'id fil Istiqama, donc 10 règles à connaître dans le sujet de la droiture. La première de ces règles-là, ou de ces principes, c'est de savoir que la droiture est un bienfait d'Allah et un don venant de lui. À partir de cela, donc, à partir de cette règle-là, nous devons savoir que c'est donc de lui, c'est-à-dire d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous devons espérer cette chose-là, et c'est à lui que nous devons la demander. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sourate An-Nisa, وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. S'ils avaient accompli ce à quoi nous les exhortions, cela aurait certainement été meilleur pour eux, et leur foi aurait été plus affermie. Alors, nous leur aurions donné de notre part une plus grande récompense, et nous les aurions guidés vers un droit chemin. Également, il a dit, cette fois-ci, dans Sourate An-Nisa, donc toujours dans Sourate An-Nisa, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Quant à ceux qui croient à Allah et qui s'attachent à lui, il les fera entrer dans une miséricorde venue de lui et dans une grâce aussi, et il les guidera vers un droit chemin. Et il les guidera vers un droit chemin. Et il a dit dans Surat Yunus, وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut vers un droit chemin. Allah s'est donc attribué la guidance vers le droit chemin. C'est donc un bienfait venant de lui et un don qu'il accorde à qui il veut. À partir de là, nous devons savoir que c'est de lui que nous devons espérer cette chose-là et que c'est à lui que nous devons la demander. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait abondamment l'invocation suivante. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui retourne les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Et également Umm Salama a dit, j'ai dit, ô messager d'Allah, les cœurs se retourneraient-ils? Il m'a dit, oui, bien sûr, il n'est pas une créature d'Allah parmi les enfants d'Adam, parmi les êtres humains, sans que son cœur ne soit entre deux doigts parmi les doigts d'Allah. Si Allah le désire, il le dirige sur la voie droite, ou sinon, il le fait s'en écarter. Et ce hadith-là a été rapporté par l'imam Ahmed, de même que par l'imam Tirmidhi, et il a été considéré comme bon par l'imam Al-Albani, par Tirmidhi, et également par Al-Albani. Également dans le hadith de Aïcha, recensé dans le recueil authentique de l'imam muslim, nous pouvons voir qu'elle a été questionnée. Par quoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam inaugurait-il sa prière nocturne? Elle répondit, lorsqu'il se levait pendant la nuit, il inaugurait sa prière en disant, ô Allah, Seigneur de Jibril, de Mikaïl et de Israfil, créateur des cieux et de la terre, connaisseur de l'invisible et du visible, tu juges entre tes serviteurs dans ce sur quoi ils divergeaient. Guide-moi à ce sujet vers ce qu'il contient de vérité, car c'est toi qui guides qui il veut vers un droit chemin. Et nous nous rendons compte également de l'importance de cette chose-là, à savoir le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la guidance vers le droit chemin, comme nous l'avons expliqué jusqu'à maintenant et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Lorsque nous nous rendons compte que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire la récitation de sourate al-Fatiha plusieurs fois par jour. Sourate al-Fatiha contient parmi ses versets إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons l'aide. Guide-nous sur le droit chemin. Donc rends-toi compte que dans chaque prière que tu accomplis pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle soit obligatoire ou surérogatoire, tu dis cette invocation-là. Et il est important que le musulman qui prie Allah subhanahu wa ta'ala se rende compte que lorsqu'il lit ce verset-là, il est en train d'invoquer Allah. Ibn Taymiyyah rahimahullah disait: j'ai observé et j'ai médité sur la plus bénéfique et profitable des invocations. Et j'ai trouvé que c'est de demander à Allah l'aide pour obtenir son agrément. Puis j'ai trouvé cela dans Sourate al-Fatiha, dans la parole Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons l'aide. Guide-nous sur le droit chemin. Et il a également dit dans le livre Iqtida sirat al-mustaqim, il a dit que le serviteur a été ordonné de continuellement demander à Allah de le guider vers le droit chemin. Et c'est ce que nous devons donc faire sans cesse, en espérant d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide et qu'il nous raffermisse sur le droit chemin. Al-Hasan al-Basri, lorsqu'il lisait la parole d'Allah, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, à savoir donc dans la traduction approximative du sens de cette noble parole divine, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et se tiennent sur le droit chemin. Al-Hasan al-Basri, lorsqu'il lisait ce verset-là, il disait: ô Allah, tu es notre Seigneur, accorde-nous donc d'être sur le droit chemin. Nous aborderons la prochaine fois, Inch'Allah, la deuxième règle à connaître dans le sujet, et nous nous contenterons de cela pour aujourd'hui, bi'idhnillah, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide sur le droit chemin, et qu'il nous y raffermisse, et qu'il nous fasse mourir en être soumis à lui, œuvrant sincèrement pour lui, et conformément à la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.